Le monument à l'inspection par les Kwanzaa Mektusan, que le pays natal de l'arme de Sun Gun brille à jamais, est érigé en haut lieu révolutionnaire de Pyeongchang. Le service de dévoilement a eu lieu le 7 septembre. Il est honoré de la visite du président Kim Il-sung, du dirigeant Kim Jong-il et de Madame Kim Jong-suk, héroïne anti-japonaise, qui ont choisi l'emplacement du premier arsenal dans la patrie libérée et qui ont frayé le chemin à l'industrie de guerre. Il est marqué des exploits révolutionnaires du camarade Kim Jong-un, qu'il a fait aménager en un important centre de l'éducation dans l'idée de Sun Gun.